بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, le quatrième cours dans l'explication du chapitre du mariage, Kitab al-Nikah, tiré du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam al-Sa'di rahimahullah. On a vu précédemment deux hadiths et on a commencé donc à citer les profits, les diverses leçons qu'on peut tirer de ces deux hadiths. On va, inshallah ta'ala, aujourd'hui répéter les deux hadiths. On va relire les deux hadiths, inshallah ta'ala, et ensuite donc voir quelques sujets qui sont lié à ces deux hadiths. Le premier hadith, donc, dans Sunan al-Darimi, d'après Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, qui dit, il dit qu'il a donc demandé en mariage à une femme des Ansar. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Idhhab, fanzur ilayha, fa innahu ajdaru an yu'zama baynakuma. » Et donc il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, va et regarde-la, car cela est plus propice à, ce que votre relation se perpétue, à ce que votre relation soit durable. Et dans Sunan Abi Daoud, d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Iza khataba ahadukum al-mar'ah » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. Et donc il dit Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il a la capacité, alors qu'il la regarde, qu'il regarde ce qui va le plaire chez elle, ce qui va l'attirer, ce qui va donc l'appeler à se marier avec elle. S'il a la capacité de le faire, alors qu'il le fasse. Jabir ibn Abdillah qui nous dit, et donc j'ai demandé une femme en mariage et je me cachais pour la voir. Je me cachais d'elle pour la voir, jusqu'à ce que j'ai pu voir ce qui m'a appelé à me marier avec elle, et donc à confirmer le mariage, et donc je me suis marié avec elle. Parmi les leçons de ce hadith, barakallahu fikoum, de ces deux hadiths, on voit donc clairement qu'il est permis de regarder la femme qu'on veut épouser, que ceci est une sunna, c'est la sunna. Et donc celui qui aura délaissé cela n'aura donc pas respecté la sunna dans ce sujet. Il n'aura pas respecté la sunna dans ce point-là. Et donc parmi les leçons du hadith, ou du moins des deux hadiths, le fait qu'il n'est pas mis en condition que la femme sache que l'homme la regarde, ou que l'homme la voit pour le mariage. Ce n'est pas une condition. L'homme peut très bien regarder la femme sans qu'elle soit au courant. Et pareillement pour la femme. La femme qui désire se marier avec un homme, si elle est gênée, elle ne veut pas se montrer à lui, etc., et qu'elle a la possibilité de le voir sans que lui ne soit au courant et sans que lui la voie, il lui est permis de le faire. Et qu'ensuite, si elle voit qu'effectivement, elle veut bien aller plus loin, alors à ce moment-là, oui, elle s'arrange avec la famille et il faut en sorte que lui aussi puisse la voir, inshallah ta'ala. Mais de la même manière que c'est permis à l'homme, cela va aussi être permis à la femme. Voyez, quelle est la limite concernant le regard? Qu'est-ce que l'homme a le droit de regarder lorsqu'il demande une femme en mariage? L'imam Malik, ainsi que l'imam Shafi'i, rahmatullahi ala al-jami', il voit qu'il est permis aux prétendants de regarder le visage et les deux mains de la femme seulement. Donc la femme, elle est voilée. Le prétendant ne peut regarder que son visage et ses deux mains. Ça, c'est le madhhab de l'imam Malik et l'imam Shafi, rahimahumullah. Ils disent donc, le fait de regarder le visage de la femme indique et montre sa beauté. Et le fait de regarder ses deux mains donne des informations sur le corps. À partir de là, tu as des informations suffisantes. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est ronde? Tout ça, tu peux le voir à travers les deux mains de cette femme. Et donc ça, c'est le madhhab de Malik et de Shafi'i. Le madhhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit qu'il est permis de regarder ce qui est apparent, ce qui apparaît de la femme de manière générale. C'est-à-dire de manière générale, quand elle est chez elle, quand elle est chez ses parents, hein, ce qu'ils vont voir de manière générale, c'est son visage, sa tête, donc avec ses cheveux, ils vont voir ses deux mains, ils vont voir ses pieds, etc. Ils vont voir son cou. Et donc l'imam Ahmed, lui, rahimahullah, il est plus large. Et donc l'imam Ahmed, il voit que la femme, l'homme, il peut même voir les cheveux de la femme. Il peut la voir sans son voile. Et cet avis est le choix du très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, ainsi que Cheikh al-Albani. Et cet avis est le plus juste. Inch'Allah ta'ala, cet avis est le plus juste. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a permis à l'homme de regarder la femme sans qu'elle ne soit au courant. Et certes, à partir du moment où il est permis à l'homme de regarder la femme sans qu'elle ne soit au courant, c'est difficile de ne regarder que son visage et ses deux mains. Déjà, premièrement, il se peut qu'elle apparaisse sans son voile, puisqu'elle n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un qui la regarde. Et ensuite, même si elle est voilée, donc l'homme va devoir essayer de se concentrer pour la voir sans qu'elle, elle ne le voit. Il se peut qu'il voit d'autres choses. Et donc, barakallahu fikum, cet avis est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Il y a d'autres avis, mais je ne cite que les avis les plus forts. Ça, ce sont les deux avis les plus forts. Et inshallah ta'ala, le plus juste, c'est ce que j'ai cité, c'est que oui, l'homme peut voir la femme sans son voile lors de la khidbah, lors de la demande en mariage. Est-ce que ceci est obligatoire? Est-ce que ceci est obligatoire? Premièrement, du côté de l'homme, non, ce n'est pas obligatoire. L'homme peut très bien se suffire du fait d'avoir vu le visage de la femme. Il peut très bien, s'il le veut, se marier sans même avoir vu la femme. Attention, on a dit tout à l'heure, le fait de regarder la femme, c'est la sunna, mais ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y avait une fois un étudiant à Médine, un frère qui commençait les études, et il voulait poser cette question au Cheikh Arafat. Il voulait poser cette question au Cheikh Arafat concernant le fait de regarder donc la femme, de voir ses cheveux. Et c'est moi qui ai traduit la question pour le frère, il venait d'arriver. Et le Cheikh, il a dit, Hafizahullah, il a dit, Talibul ilmi yastarni an hadha. Il a dit, l'étudiant en science, il se passe de cela. L'étudiant en science se passe de cela. Qu'est-ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, les frères? C'est que l'étudiant en science, il applique fermement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va choisir sa femme, il la choisit pour sa religion. Oui, il lui est permis de regarder la femme, de la voir sans son voile. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré la permission. Mais ici, il est important qu'on comprenne un point très très très important que malheureusement il est délaissé. C'est que le physique n'est pas la priorité dans le mariage. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont donné trop d'importance au physique. Peut-être parce que avant l'islam, on a trop regardé la télé, trop regardé des séries, trop regardé je ne sais pas quoi, ce qui a fait que les gens se sont accrochés à des physiques qu'on leur a présenté dans ces séries, présenté dans ces publicités, etc., que ce soit les hommes et les femmes. Et que, En réalité, il ne s'imagine même pas pouvoir être marié avec une personne qui n'a pas telle et telle caractéristique de son, dans son physique. Tout ça parce qu'on est trop accroché au physique, trop accroché à cette dunya. Le physique, il fait partie des sujets de cette dunya. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on accorde beaucoup plus d'importance à notre au-delà. Cette personne avec qui tu vas te marier, mon frère, ma sœur, je te conseille fortement de suivre la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accroche-toi, choisis celle qui a la religion. Choisis celle qui a la religion. Ça suffit. Mais non, nous, subhanallah, il faut qu'elle si, ça, ça, telle taille, telle caractéristique physique, et si, et ça. Ils veulent, il faut qu'elle ait la sunna, le Coran, et si, et ça, avec telle caractéristique physique, et en plus de ça, il faut qu'elle ait l'argent, etc. Ya jamaa, mes frères, ne vous mettez pas dans une situation difficile. Ne vous imposez pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas imposé. Mais par contre, il est important qu'on purifie nos cœurs. Si on voit qu'on est trop attaché au physique, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Car notre religion ne nous pousse pas à cela. Taïb, on a parlé du côté des hommes. Du côté des femmes, est-ce que la femme, il est obligatoire d'accepter? Il y a un homme qui vient demander sa main, etc. Et il dit que c'est oui, j'ai vu ton visage, masallah, ça me plaît bien. J'aimerais bien voir plus. J'aimerais bien voir tes cheveux aussi. Est-ce qu'il est obligatoire d'accepter? Non, pas du tout. Il n'y a aucune obligation, aucun texte qui dit qu'il est obligatoire à la femme de montrer ses cheveux. Si elle ne veut pas, elle ne montre pas. Si elle ne veut pas, elle ne montre pas. C'est tout. Et donc parfois, certains vont vouloir imposer ça à la sœur. Si elle ne veut pas, elle ne montre pas. Par contre, après, bien sûr, il se peut que l'homme refuse. Oui. Mais on ne peut pas lui imposer à la femme de montrer ses cheveux à un homme qui n'est pas marié avec elle. Donc oui, c'est permis, mais ce n'est pas une obligation. On va continuer demain, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuh wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.